Psaume 54. Ma Shield de David, donnée au maître chantre, pour le chanter sur Néglinote, touchant ce que les Ziphiens vinrent à Saül, et lui dirent, David ne se tient-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, délivre-moi par ton nom, et me fais droit par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma requête, et prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont élevés contre moi, et des gens terribles, qui n'ont point Dieu devant leurs yeux, cherchent ma vie, c'est là. Voilà, Dieu m'accorde son secours, le Seigneur est de ceux qui soutiennent mon âme. Il fera retourner le mal sur ceux qui m'épient. Détruis-les selon ta vérité. Je te ferai sacrifice de bon cœur, Éternel, je célébrerai ton nom, parce qu'il est bon. Car il m'a délivré de toute détresse, et mon œil a vu ce qu'il voulait voir en mes ennemis.